dishing round your plate. I like to cook for you. All the same, I would want you. I am gay. Hannigan avec son titre I Don't Know sur RGM. Un peu plus de 8h39, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 12 février 1936, naissance de Joe Don Baker, acteur américain vu dans GoldenEye et Demain ne meurt jamais dans le rôle de Jack Wade, ou encore Mud sur les rivières du Mississippi. 1945, naissance de Maud Adams, actrice suédoise, vue dans deux James Bond, dans deux rôles différents, L'homme au pistolet d'or dans le rôle d'Andrea Anders, ou encore Octopussy dans le rôle d'Octopussy. 1950, naissance de Michael Ironside, acteur canadien vu dans Top Gun dans le rôle de Rick Heatherly alias Jester. La série télé Urgence dans le rôle du docteur William Swift. Smallville dans le rôle du général Sam Lane. Desperate Housewives, esprit criminel, ou encore la série Flash. 1956, naissance d'Arsenio Hall, acteur humoriste américain célèbre pour son talk show The Arsenio Hall Show de 89 à 94. Il a notamment joué dans les films Un prince à New York et Les Nuits de Harlem, tous deux avec Eddie Murphy. Et à la télévision, on a pu le voir dans la série Le flic de Shanghai, dans le rôle de Terrell Parker. 1962, naissance de Corinne Benizio, actrice humoriste française connue sous le nom de Shirley, du duo humoristique qu'elle forme avec son époux Gilles Benizio, Shirley et Dino. 1965, naissance connaissance de Christine. Elise, actrice américaine, vue dans Chucky, la poupée de sang dans le rôle de Kyle, la série télé Beverly Hills dans le rôle d'Emily Valentine, Charmed ou encore Cold Case, affaire classique. C'est également l'année de naissance de Mia Fry, chorégraphe américaine connue pour son concours aux chorégraphies de la Macarena en 93 ou encore de Yaka Lelo en 98. 1968, naissance de Josh Brolin, acteur américain vu dans Les Goonies dans le rôle de Brandon Walsh, No Country for Old Men dans le rôle de Leveline Moss, W, l'improbable président dans le rôle de George W. Bush, Wall Street, l'argent ne dort jamais, Men in Black 3 dans le rôle de Kevin Brown alias l'agent K jeune, Avengers Infinity War, Avengers Endgame dans le rôle du méchant Thanos ou encore Deadpool 2. 1969, naissance de Darren Aronofsky, réalisateur américain qui l'on doit Pi, Requiem for a Dream, Black Swan ou encore Noé. 1979, naissance de Jesse Spencer, acteur australien, vu à la télévision hein, dans Les Voisins, dans le rôle de Bill Kennedy, mais on le connaît surtout pour son rôle du docteur Robert Chase dans Doctor House et récemment son rôle du capitaine Matthew Casey dans Chicago Fire et il apparaît également dans Chicago Police Department et Chicago Med hein, quand ces trois séries se rencontrent. 1980, naissance de Juan Carlos Ferrero, ancien joueur de tennis espagnol ayant fait carrière de 1998 à 2012. Il a été numéro 1 mondial pour la première fois en 2003. Il a gagné une fois Roland Garros. Il a été une fois finaliste à l'US Open, demi-finaliste à l'Open d'Australie et quart de finaliste à Wimbledon. Et avec l'Espagne, il a remporté 3 Coupes Davis. C'était en 2000, 2004 et 2009. C'est également l'année de naissance de Sarah Lancaster, actrice américaine vue dans la série télé Sauvée par le Gong, La Nouvelle Classe dans le rôle de Rachel Myers, Everwood dans le rôle de Madison Kellner, mais on la connaît surtout pour son rôle d'Elie Bartowski dans la série télé Chuck. On reste toujours en 1980 avec la naissance également de Christina Ricci, actrice américaine, connue pour son rôle de Wednesday Addams dans La Famille Addams et les valeurs de La Famille Addams, vue également dans Sleepy Hollow dans le rôle de Katrina Von Tassel et à la télévision dans les séries Malcolm, Ally McBeal ou encore Grey's Anatomy. 1981, naissance de Lisa Hannigan, chanteuse irlandaise. 1987, naissance de Jérémy Chardy, joueur de tennis français professionnel depuis 2005, qui en simple a été 25e mondial, quart de finaliste à l'Open d'Australie, 8e de finaliste à Roland Garros, Wimbledon et l'US Open. En double, il a été 24e mondial. Il a été une fois finaliste à Roland Garros, 8e de finaliste à l'Open d'Australie et l'US Open et 32e de finaliste à Wimbledon. Et avec la France, il a remporté une Coupe Davis en 2017. 1988, naissance de Mike Posner, chanteur américain, qu'on va écouter dans quelques instants. 1991, naissance d'Irvin Engapet, joueur français de volleyball professionnel depuis 2008 qui joue actuellement au Zenit Kazan et il a remporté 2 ligues mondiales en 2015 et 2017. À chaque fois, il a été élu MVP et il a remporté avec l'équipe de France le championnat d'Europe en 2015. On termine les anniversaires en 1993 avec la naissance de Jennifer Lindsay Stone, actrice américaine connue pour son rôle d'Harper Finkel dans la série Les Sorciers de Waverly Place. Allez, avant de marquer une pause musicale, on va parler des sorties cinéma, hein, comme tous les mercredis, vous en avez pris l'habitude. Et on commence avec Le Prince Oublié, un film d'aventure de Michel Hazanavicius avec Omar Sy, Bérénice Bejo ou encore François Damiens. Sort également Sonic, le film d'aventure familiale. Autre film, Nightmare Island, un thriller de Michael Peña avec Maggie Q et Lucy Hall. Autre film, La fille au bracelet, drame de Stéphane Demoutier avec Melissa Gers, Roche Dizem ou encore Chiara Mastroianni. Autre film et dernier, Deux, drame comédie de Filippo Meneghetti avec Barbara Sukowa, Martine Chevalier ou encore Léa Drucker. Allez, petite pause musicale avec Mike Posner et le titre I Took a Pill in Ibiza. To show Avicii I was cool.

degrés ce matin, entre 5 et 7 degrés pour cet après-midi. Jeudi, ce sera de la pluie, des températures comprises entre 1 et 2 degrés le matin, entre 8 et 9 degrés prévus pour jeudi après-midi. Vendredi, de la pluie en matinée, des éclaircies pour l'après-midi, des températures comprises entre 4 et 5 degrés vendredi matin, entre 8 et 10 degrés prévus pour vendredi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Football, Coupe de France et hier, l'élimination du petit poussé Belfort qui s'est incliné 3-0 face à Rennes. Au programme d'aujourd'hui, Dijon reçoit le Paris Saint-Germain et Lyon reçoit Marseille. Et demain, le match que tout le monde attend, enfin en tout cas les Vosgiens ou même les Lorrains dans la globalité. Épinal Saint-Étienne, hein, demain soir, je vous le rappelle, au stade Marcel Picot hein, à Nancy. Tous derrière le SAS Épinal. En équipe de France, l'absence d'Ousmane Dembélé pendant 6 mois. Il est blessé. À noter que donc le joueur manquera l'Euro. Un mot de tennis maintenant avec à Rotterdam l'élimination de Barrère en 3-7 face à Bublik, l'élimination de Benoît Paire en 2-7 face à Bédéné. À l'Open de New York aujourd'hui, Humbert affrontera Giron. Et à Rotterdam, pardon, aujourd'hui, Monfils affrontera Souza et Simon se repose à Kukushkin. À Buenos Aires, il n'y a plus de Français après l'élimination de Moutet en 2-7 face à Kovalik. Et à Saint-Pétersbourg, à noter l'élimination de Mladenovic en 2-7 face à Van Dutvank. Océane Dodin s'est imposé en 2-7 face à Kuzmova. Et Ferro, qui a été repêché en lucky loser, hein, comme on appelle ça, s'est imposé face à sa compatriote Caroline Garcia en 3-7. Ferro affrontera aujourd'hui Rybakina. Dodin se repose à Konta et Alizé Cornet affrontera Ostapenko. Et on reste avec l'équipe de France féminine, puisqu'il hier après-midi avait lieu le tirage au sort des phases finales de la Fed Cup. La France se retrouve dans le groupe de la Russie et la Hongrie. Un mot de basket avec en NBA. Cette nuit, l'équipe de Portland d'Howard s'est inclinée face à l'équipe de Nouvelle-Orléans. 138 à 117, 6 points pour le français. L'équipe de Washington de Miami à 15 points s'est imposée 126 à 114 face aux Chicago Bulls. Et du côté de chez nous, en Pro B, Nancy s'est inclinée à Quimper, 75 à 69. On termine avec du biathlon. Les championnats du monde, eh bien, c'est demain. La première épreuve, c'est le relais mixte. On connaît la composition de l'Allemagne, de l'Italie et de la Norvège. On attend toujours la composition de l'équipe de France. Ça ne devrait pas tarder. Alors, l'Allemagne a décidé d'aligner Preuss, Hermann, Pfeffer, Doll. L'Italie fera confiance à Vitozzi, Virer, Hofer et Windisch. Et alors, la Norvège, c'est le top du top avec Roysland, Eckhoff, Johannes Bø et Tarje Bø. Ouais, du côté de chez nous, normalement, dans le relais mixte, ouais, on devrait peut-être retrouver Martin Fourcade et peut-être, pourquoi pas, Quentin Fillon-Maillet. Enfin, à voir, hein, je ne suis pas entraîneur de l'équipe de France. En tout cas, les coachs ont l'embarras du choix parmi les 4 Français et même aussi parmi les 4 Françaises. C'est tout pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec une nouveauté signée Meek Mill. Le titre, c'est Believe et c'est en featuring avec Justin Timberlake. No, I still believe it, you and me. Cause every night I go to sleep, I can see it like dreams, put my face in the dirt on the ground, still I raise up to take back the crown. Yes, you can break my body, but you can't lock the soul of a man down. Follow your dreams, not your addictions. How we gon' follow our dreams locked in a prison? They try to swallow me whole, God be my witness. Deprive me out of my dreams, but I'm relentless. I want the money, ain't never want attention. So I don't pay attention to comments and all the mentions, cause they ain't see my vision. I was washing dishes till my rats turning to riches. Glad when it was Christmas. We ain't even barely get presents, but we was gifted. In a school of failure, we present perfect attendance. Welfare, baby, we working, what would they give us? Made me some comments, judge still gave me your sins. No period, city girls don't get scared. When it's really real, when your bank account 20 mil in your house, up on a hill in your family. In the driveway, you walk out and see the grill, thank God you believe. Make sure you pray when you kneel, you know, yeah. I still believe in you and me. Cause every night to sleep, go to sleep. I can see it like a movie in my dreams. Put my face in the dirt on the ground till I raise up to take back the crown. Yes, you can break my body, but you can't lock the soul of a man down. My bank account, it was on super zero. Ain't never panic, I'm a superhero. Target my goals and I'ma shoot the arrow. When God turned the heat up on me, he sent you De Niro. Play your part, got some brains like the Scarecrow. Let's play it smart, cause we ain't playing checkers, this is chess. Play your pawns, sit back like a king when they move, make your mark. And never ever let your competition take your heart. Say I believe in myself, when everybody stop believing, never leave on yourself. They had my back against the wall, I had to lean on myself. Almost made me put my dreams on the shelf. I'm tripping. Laws of attraction, you just think I'm rapping. I'm just putting out the energy so I can grab it. Everything that's in my memory that I imagine is finally here. 100 million in a year. I still believe in you and me. Cause every night I go to sleep, I can see it like dreams. Put my face in the dirt on the ground till I raise up to take back the crown. Yes, you can break my body, but you can't lock the soul of a man down. As I lay down to sleep, play the Lord, so the key. All in one, rest in peace, please God, watch over me. As I lay down to sleep, play the Lord, et voilà, c'était la nouveauté signée Justin Timberlake et Meek Mill sur RGM, 8h57, et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un petit point sur les émissions qui vous attendent. Aujourd'hui à 10h, on se retrouve avec les Jeunes de l'IME de Saint-Amé. Ensuite, ce sera 20h Nothing But The Blues, 21h Jazz Time. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.